Merci aux auditeurs de nous écouter. L'écoute, l'écho en direct ce dimanche soir du studio son radio de la parole errante. Nous allons quitter Milena Jesenska et Franz Kafka. Franz Kafka qui a été atteint très jeune de la tuberculose et qui aurait été probablement une personne qu'on dit à risque, une personne auprès de qui il aurait fallu de manière constante faire attention et notamment aujourd'hui porter le masque. C'est une liaison pour dire effectivement, pour évidemment introduire cette séquence que vous allez entendre. C'est aussi une séquence qui nous a paru importante. Ici, à La Parole Errante, depuis le début de la pandémie, on fait très attention à ce que ce lieu qui reçoit beaucoup de monde, qui a reçu beaucoup de monde, qui est évidemment pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est surtout une grande salle qui accueille des soirées de soutien, des assemblées, des spectacles, etc. etc. Et donc, dès le départ, nous avons fait très attention à ce que La Parole Errante ne devienne pas un foyer de contagion. Et effectivement, avec l'évolution de la pandémie, avec le fait que le gouvernement prend ses mesures quasiment très dangereuses pour la santé de sa population, c'est-à-dire actuellement demander aux gens de ne plus porter le masque, même dans les lieux clos, sous prétexte que le pass vaccinal servirait comme une espèce de viatique pour empêcher la diffusion de la maladie. Nous, pas du tout. Nous sommes vraiment pour le port du masque, contre le pass sanitaire, mais pour le port du masque. Et c'est pour ça que nous avons invité, enfin, il s'est invité tout seul d'ailleurs, mais on était tout à fait d'accord et tout à fait heureux qu'il vienne, Adrien, du collectif Michel Firk. Michel Firk, donc la librairie autogérée de La Parole Errante, rue François de Bergue, métro Croix de Chavaux à Montreuil. C'est une librairie qui est ouverte du mercredi au samedi ou au dimanche maintenant ? Samedi, de 15h à 20h. C'est une librairie très très chouette dans laquelle vous trouverez plein de livres. Vous trouverez notamment les livres des éditions Nous, vous trouverez la nouvelle traduction donc, des lettres à Milena Jesenska de Franz Kafka. Donc Adrien, t'as voulu venir au studio pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur la question qui se cache en fait quelque part derrière le masque, qui est la question des aérosols. C'est bien ça ? Oui, absolument. Parce que de toute évidence, pour réduire la circulation d'un virus, le premier état, c'est bien de comprendre comment il se transmet. Et que si on veut promouvoir pour nous des mesures d'autodéfense sanitaire, de réduction des risques, il s'agit de les comprendre et qu'elles ne soient pas simplement disciplinaires. Et de comprendre, par exemple, pourquoi, dans certaines circonstances et à certains moments, porter un masque peut être utile et peut considérablement réduire les risques de contagion. Mais alors justement, sur le masque, ça paraît complètement embrouillé depuis le départ. On ne sait pas bien qui croire. Alors, comment tu analyses ça, toi ? Eh bien, en amont même du masque, dès mars 2020, l'OMS a posté que le Covid n'était pas une maladie aérosol. Et c'est qu'en mai 2021 qu'ils vont reconnaître la contagiosité aérosol du virus. Et la contagiosité aérosol que partage d'ailleurs un virus comme la tuberculose, qui se transmet par l'air. Ça veut dire qu'une personne malade expire de fines particules d'air qui restent suspendues dans l'air, qu'une autre personne peut respirer et être contaminée. Pas dans tous les cas, ça dépend de combien d'aérosols elle respire, de l'état de la personne, etc. Et ça va provoquer des fois de la contagiosité. Et il se trouve qu'en relisant l'histoire de la médecine, on s'aperçoit, à l'appui un peu d'autres scientifiques qui ont défendu cette contagiosité aérosol du virus, de causes assez profondes dans la façon dont l'histoire, disons, monumentale ou centrale de la médecine se raconte, qui ne laissent pas passer l'idée qu'il y a des maladies qui se contaminent par l'air, qui est une contagiosité aérosol, qui se partage comme ça. Et c'est probablement ça qui a bloqué, en tout cas en Europe, ça peut être différent dans plusieurs pays d'Asie, pour reconnaître le fait que la maladie du Covid ne se transmet pas par les gestes, par le contact, par le toucher ou par les surfaces, mais par ces fines particules qui flottent dans l'air et que parfois on peut un peu trop respirer et qui peuvent déclencher des infections virales. Et c'est ce que je voudrais expliquer parce que on sait que le gouvernement français a beaucoup parlé de gouttelettes ou de postillons. Et parler de postillons, c'est une autre façon de parler d'aérosol, mais pas tout à fait la même. Et ça recouvre plein de réalités différentes. Et pour revenir un peu en arrière au 19e, c'est en 1854, une épidémie de choléra frappe Londres, comme bien souvent à l'époque. Et l'idée dominante du Moyen-Âge, à peu près pendant toute l'Antiquité, jusqu'encore en 1854, Cette choléra se transmet par les miasmes, par des milieux putrides dans lesquels se déclenche du mauvais air qui viendrait contaminer les personnes. Jon Snow, qui s'appelle Jon Snow, est convaincu d'une autre cause. Et à l'époque, il va enquêter dans les quartiers pauvres les plus frappés par le choléra à Londres. Attends, je t'arrête, Adrien, ouais. Mais le miasme, ce serait quelque chose qui viendrait du sol, enfin d'une espèce de pourriture. Ce serait pas... Il y a différentes théories, mais je vais y revenir après, mais ce serait un peu l'idée qu'il peut y avoir des milieux putrides qui favorisent l'apparition d'un air putride, d'un mauvais air, qui viendrait ensuite contaminer les personnes. Tout le monde s'entend à l'époque pour dire que les maladies se transmettent, mais ils ne trouvent pas le moyen, disons, évident qui permet d'expliquer pourquoi ça se transmet d'une personne à l'autre. De toute évidence, la peste se transmet entre personnes, et ils ne savent pas toujours pourquoi l'expliquer. Et il y a deux batailles. Il y a la théorie des miasmes qui défend l'idée que c'est le mauvais air ou des milieux putrides qui favorisent cette contagiosité, et d'autres qu'on va dire contagionnistes qui défendent l'idée d'un élément qui transmet la maladie. Entre les humains. Entre les humains. Mais cet élément, c'est avant l'invention du microscope, avant les découvertes de Pasteur et Koch vers 1880, vers la fin du 19e, et ils n'arrivent pas à l'identifier. Donc il y a toujours débat sur la cause, disons, de la transmission. Et Jon Snow est persuadé que ce n'est pas les miasmes, le mauvais air. Il enquête dans les quartiers, il va réussir à découvrir que les maisons les plus malades, les foyers les plus malades, s'approuvent tous à la même fontaine. Et ainsi, il va pouvoir montrer, par les statistiques, que c'est par l'eau que le choléra se transmet, et pas par le mauvais air, en démontrant statistiquement que c'est dans certains quartiers, certaines fontaines, que les gens l'attrapent et d'autres non. Et il ne pourra pas le prouver parce que le microscope n'existe pas encore. Il n'y a pas encore la théorie de Pasteur, etc., qui viendra 30 ans plus tard. Mais il démontre cette intuition. À l'époque, d'autres ne sont pas du tout d'accord. Tous les théoriciens plutôt défenseurs des miasmes, les anticontagionnistes, qui défendent d'autres théories. Et il y a une vraie controverse, une vraie dispute. Et évidemment, Pasteur et Koch, en 1880, quand ils vont découvrir le bacille de Koch, tous les germes de la peste, et le fait qu'il y ait des germes qui transmettent les maladies, ça va venir écraser la théorie des miasmes et d'autres théories. Et c'est cette victoire de Pasteur et Koch qui va s'associer au mouvement hygiéniste qui va gagner. C'est quelque chose d'important, évidemment, mais ça va aussi s'associer à l'hygiénisme et défendre que le nettoyage des mains, des surfaces, c'est ça qui est important. Et le jeu a été de découvrir pour chacune des maladies, trouvons son germe. Pour la peste, pour le choléra, pour la variole, trouvons le germe à chaque fois. Et toutes les autres théories ont été disqualifiées. Ce qui fait que quand la tuberculose revient au début du 20e, les médecins vont aussi refuser de reconnaître sa contagiosité aérosol dans un premier temps, en tout cas en Europe et aux États-Unis, pour éviter de revenir à la théorie des miasmes. À revenir en arrière, ce serait pour rouvrir l'idée que c'est par l'air et pas par un élément physique. Et là où c'est doublement important, c'est que politiquement, ça peut être intéressant de s'y intéresser, parce que dès l'époque, entre les partisans des miasmes et des aérosols, ils s'attachent à différentes politiques. Max von Pettenkofer, un médecin allemand qui défend beaucoup la théorie des miasmes contre la théorie de Jon Snow sur le choléra, il va parcourir l'Europe pour montrer que ça passe par les sols, par différents types de sols, il va faire plein d'enquêtes pour montrer que le choléra se répand différemment. Et en même temps, il va défendre des mesures de changement sanitaire qui vont promouvoir les égouts, l'évacuation des matières fécales pour limiter un peu les milieux putrides sous les sols des villes. Et à l'inverse, les perspectives contagionnistes vont plutôt en appeler à un état fort capable d'imposer des mesures de restriction des mouvements, de fin du commerce. Donc on a déjà des partitions politiques où Max von Pettenkofer et les théories des miasmes sont plus libéraux et s'attachent beaucoup plus au milieu, à l'architecture, à provoquer des courants d'air et à des changements qui sont beaucoup plus généraux que l'identification d'un germe et donc de son porteur qui serait responsable de la maladie. On a l'exemple le plus frappant de cette théorie du germe porteur avec au début du 20e, George Soper qui aux États-Unis pourchasse Mary Mallon, une cuisinière qui est identifiée comme porteuse du germe de la variole et qu'elle le passerait en tant que cuisinière aux personnes pour lesquelles elle cuisine. Elle va être pourchassée pendant toute sa vie et finalement retrouvée et enfermée jusqu'à la fin de sa vie, elle avait 40 ans à ce moment-là, jusqu'à la fin de sa vie, isolée sur une île pour ne plus contaminer personne. On voit là la politique un peu sanitaire brutale, ce que ça peut vouloir dire. La théorie des miasmes s'attache plus à tout ce qui relève un peu de l'air, de la circulation un peu, pour faire des courants d'air, tout ce qu'on connaît un peu de l'architecture des lumières qui provoque plutôt une attention à laisser toujours un peu des ouvertures, une circulation de l'air. Mais peut-être pour prendre un exemple encore un peu plus précis aussi. Mais tu m'as un peu perdu, Adrien, parce que du coup, j'avais l'impression que la théorie des miasmes ne croyait pas en la contagiosité par justement l'aérosol. Ah si. Ça, disons, dans la théorie des miasmes, par exemple, Max von Pettenkofer va être tellement persuadé que le choléra ne se passe pas par l'eau que quand le vibrio du choléra, disons, là, ce qui est effectivement dans l'eau et qui transmet le choléra, il va en boire pour montrer que ce n'est pas ça qui fonctionne. Il va dire que certes, le vibrio joue un rôle, mais que c'est une fois qu'il y a un milieu putride qui favorise sa prolifération, que là, il se transmet. Mais il se transmet par l'air, selon lui. Disons, par quelque chose qui n'est pas identifiable physiquement comme une petite particule physique. Et c'est là où on retrouve un peu le débat sur les aérosols, les gouttelettes, c'est qu'on sait que bien souvent, du moins le port du masque surtout au début et encore probablement aujourd'hui, est souvent justifié par l'idée de ne pas postillonner ou de ne pas éternuer sur d'autres personnes. Ce qui tendanciellement fait exister l'idée que ce sont ces petites particules microphysiques, la salive qu'on éjecterait, voire la salive qu'on éjecterait, qu'on éternuerait sur une surface, que quelqu'un toucherait de la main et viendrait ensuite s'infecter. En fait, les aérosols, c'est plus compliqué. C'est quelque chose qui flotte dans l'air pendant un certain temps et qu'on inspire et qu'on expire et qui peut-être va nous infecter. Mais ce n'est pas forcément de l'ordre de la salive ou de quelque chose de physique qui se dépose sur les surfaces. Dans le cas du Covid-19, par exemple, c'est beaucoup de médecins chinois qui ont montré ça, Yuguo Li, je m'excuse pour la prononciation, qui ont montré qu'il y avait des cas de restaurants, même le fameux paquebot au début du Covid où tous les passagers s'étaient retrouvés enfermés puisqu'infectés. Ils ont pu montrer qu'en fait l'infection n'avait pas pu se passer seulement par le toucher. Que quand il y a tout un restaurant qui est contaminé et que les personnes ne se sont pas touchées, ce n'était pas non plus le cuisinier, par exemple, qui aurait salivé dans chacun des plats et qui aurait contaminé. Non, c'est l'air et l'absence de ventilation, les courants d'air confinés qui ont fait que cela a circulé. Mais même à l'époque des miens, ils n'arrivent pas à le prouver, tout à fait. Et dès le 18e, il y a pourtant des défenseurs de cette théorie, par exemple le médecin Karl von Pfluge, un médecin allemand, qui vont chercher à contredire l'hypothèse de la transmission de la tuberculose, qui passerait par... À l'époque, on disait par l'élimination de fines poussières de postillons séchés après avoir été projetés à la suite d'un éternuement ou de toux. L'idée qu'un malade de tuberculose éternue pose des postillons qui sèchent et que là, une autre personne se contamine en les touchant. Il va montrer plutôt l'expiration et l'efficience de transmission par des expirations fraîches, directes, par des respirations d'une personne malade. Il va le prouver en mettant dans une pièce fermée des plaques d'agar destinées à la culture bactérienne. Et il va dire à des gens malades de chanter, de danser, de crier... et voir qu'au bout de 4 heures, ces gouttelettes se déposent sur la plaque d'agar. Ce qui prouve bien qu'il y a quelque chose d'infectieux, parce que dans ce qu'il va trouver là, il y a du virus à ce moment-là. Enfin, à l'époque, on n'appelait pas ça du virus, mais il y a de la tuberculose. Il prouve aussi que la ventilation va jouer un rôle, puisqu'en faisant la même expérience, mais en ouvrant les fenêtres, ces choses-là se dispersent, ces aérosols. Par contre, il va y avoir toute une controverse, une processus de réduction par la suite sur ses propres expériences, qui vont chercher à montrer que les découvertes du laboratoire de Pfluge se résolvent par la notion de large postillon. Parce qu'en fait, ces malades dans la pièce qui sont malades, qui chantent, ils expirent, et ça formule des gros postillons qui finalement se déposent sur les plaques qu'il a laissées. Et l'idée va être que ce qui contamine finalement, c'est ce qui se dépose. Donc ce sont ces larges postillons qu'on éternue et qui tombent rapidement au sol. Et tout le travail de ceux qui veulent discréditer cette théorie des aérosols va être de montrer que, à l'inverse, les fines particules ne restent pas forcément dans l'air, ne tombent pas et ne contaminent pas. Ou surtout que ce qui contamine, c'est ce qui tombe au sol. Toute la petite nuance, c'est qu'on affirme que ces postillons liquides tombent rapidement sur le sol, mais c'est pour garder l'idée que la contagion s'opère au contact, s'opère à la proximité. Et au début du 20e, par exemple, pour prendre un autre exemple, Charles Chapin, le chef de la santé aux États-Unis à Providence, puis plus tard le président de l'Office américain de la santé publique, aujourd'hui le CDC, il publie en 1910 les sources et les modalités de l'infection. Il y défend, contre toute idée d'une contagion aérosol, l'idée que la contagion n'a lieu qu'en cas de contact rapproché, avec des fluides corporels et des postillons. L'idée que proche d'une autre personne, c'est en inspirant son éternuement ou sa toux qu'on se contaminerait. Et il affirme que se préoccuper de la circulation du pathogène par l'air, dans de grands volumes, empêche de se concentrer sur ce qui compte le plus, proximité de contact et la contagion par contact rapproché. Sa doctrine va influencer pendant 20 ans au moins tout le CDC américain. Et c'est cette notion un peu, l'idée que ce qui compte, c'est cette particule physique très solide et pas les fines particules qui flottent dans l'air, qui va dominer. Et ce qu'il faudra revenir peut-être, il faudra y consacrer un temps plus long pour d'autres fois, mais il y a beaucoup d'autres expériences qui vont montrer justement qu'en fait, dans le cas du Covid, ces particules fines peuvent traverser 3 à 4 mètres et pas seulement 1 ou 2 mètres. Et pour donner un dernier élément peut-être sur cet aspect, c'est que d'autres expériences ont cherché à montrer l'existence de ces fines particules, de ce qui viendrait nous contaminer, qui flottent dans l'air, qu'on expire et qui finalement déclenchent peut-être ou pas toujours du virus. Or, c'est très difficile à la fois à mesurer les déplacements et à rendre visible, évidemment. C'est de l'ordre de l'invisible. C'est des fines particules de moins de 5 microns, voire toutes petites. Les premiers appareils photo, certains appareils photo, à partir de 1940, arrivent à identifier ces particules qui flottent. Mais l'appareil photo n'est capable de les mesurer quand quelqu'un respire, qu'à 1 ou voire 1,50 m, tout au plus 2 m de la personne qui respire. Après ça, c'est absolument invisible. Cela existe, certes, mais l'appareil photo ne peut pas le rendre visible. Et il est probable que cette mesure des 1 m ou 2 m dont on a beaucoup entendu parler relève beaucoup de cette capacité à rendre visible l'aérosol à 1 ou 2 mètres seulement. Et qu'ensuite, c'est de l'ordre de quelque chose de flottant, tu n'arrives pas à prédire les développements, les mouvements, qui rend difficile l'identification d'un élément qui viendrait contaminer. Et c'est ça qui nous importe sur le Covid, c'est que le masque réduit considérablement les risques, en réduisant les risques d'inhalation. Par contre, c'est des mesures qui doivent être prises en compte en fonction à chaque fois du milieu. Dans le cas de la tuberculose, il a été admis que ça passait par des fines particules aérosols, à force d'expérience. Et c'est des particules qui descendent rapidement dans les poumons et infectent. Pour le Covid, le flou, même si l'OMS a reconnu en mai 2021 la contagion d'aérosols, le flou continue d'exister. Et il y a tout un débat qui refuse un peu d'entendre que cela passe aussi par les aérosols. Entre autres, puisque le modèle est repris sur la tuberculose, sans voir la spécificité des pathogènes, sans faire une observation aérosol qui repose sur chaque maladie et chaque contexte. Sans voir, par exemple, que si le Covid peut s'attraper aussi par le nez ou parce qu'on respire dans la gorge et pas seulement descendre dans les poumons, et que ça peut recouvrir plein d'autres champs d'aérosols. Et de plus, les aérosols, c'est une notion un peu étrange qui est moins identifiable que la salive déposée sur une table qu'on viendrait avaler, puisque la circulation d'aérosols va varier en fonction de l'humidité, des courants d'air, du soleil et des rayons UV qui peuvent des fois détruire une partie de ces aérosols. Cela va dépendre à chaque fois du milieu. D'une part d'aléatoire, de la personne qui va respirer plus ou moins longtemps, plus ou moins fatiguée, en étant elle-même plus ou moins fatiguée ou plus ou moins fragile. Et que cette part d'aléatoire est beaucoup moins facile à saisir de façon disciplinaire en disant « mettez le masque tout le temps, lavez-vous les mains », qui relève de gestes un peu simples, qui permettent au gouvernement d'avoir des mesures simples à annoncer à la population. Et de ne pas vouloir laisser entendre que l'air flotterait et que parfois il nous contamine et parfois non. Et que simples quelques courants d'air peuvent grandement faciliter la diminution des risques. Et prendre une perspective aérosol sur le virus, ce serait assumer que ce qu'il s'agit de changer, c'est certains milieux, certaines habitudes d'espaces confinés où on serait trop nombreux sans courant d'air, sans système de ventilation, sans renouvellement de l'air ou sans filtre, par exemple, qui viendrait casser les particules du virus, qui pourrait nous aider beaucoup plus que l'identification des bons ou des mauvais comportements ou le ciblage des grands et des mauvais malades. Pour prendre un dernier exemple et reparler, j'espère, prochainement de tout ça, en 2003, pendant le SRAS, la première épidémie qui ressemblait à un coronavirus. Il a été identifié qu'une personne malade dans un hôtel de Hong Kong avait contaminé plus de 300 personnes, au moins 200 personnes. Pourquoi ? Comment ? Il a été malade toute la nuit et il a eu une importante diarrhée au dernier étage de l'immeuble. Et ça a contaminé les quelques 200 autres habitants de l'immeuble. Pourquoi ? Le système de plomberie était tellement défectueux dans cet immeuble, tellement plus ou moins mauvais état, que les vapeurs sont remontées dans toutes les toilettes de chaque appartement et ont contaminé les autres personnes. Le SRAS de 2003 ayant une contagiosité plus importante que le Covid existant. On a parlé de super spreader pour ce monsieur-là qui a contaminé tout le monde et qui en est mort par la suite. Est-ce qu'on doit parler de super spreader ou d'un défaut de l'infrastructure qui fait que les tuyauteries étaient tellement nulles qu'en fait c'est toute la question de l'immeuble, c'est pas la question de lui qui en est mort en outre et qui en plus, enfin voilà, c'est pas sa faute s'il a contaminé tout le monde. On comprend bien que l'enjeu, c'est changer les infrastructures et prendre une inspection qui relève beaucoup plus de l'attention au milieu que d'identifier les super spreaders, comme on en parlait beaucoup pendant 2020, un peu moins aujourd'hui, même si aujourd'hui on continue à blâmer les individus. Et que l'enjeu, si on multiplie les courants d'air, si on danse dans des grandes salles avec des courants d'air, on pourra réduire considérablement la circulation du virus. Eh bien, merci Adrien, bravo pour cet exposé. Du coup, l'aérosol reste quand même quelque chose d'encore un peu mystérieux, on est bien d'accord. C'est mystérieux, mais c'est sûr que dans le Covid, il y a beaucoup d'exemples, notamment venant de Chine, d'expérimentations très claires sur les contagiosités dans des restaurants par une ou deux personnes qui peuvent contaminer 50 à 60 autres personnes sans les toucher, simplement en étant là et respirant de l'air. Ce que quelques courants d'air et une bonne ventilation peuvent facilement éviter tout autant. J'espère que toutes les auditories auront compris qu'effectivement la question de l'autodéfense sanitaire est prise au sérieux à la parole errante et notamment avec des gens comme toi, Adrien, et d'autres hein, qui s'informent beaucoup, beaucoup. Merci, merci Adrien, et donc à une prochaine fois pour la suite de l'exposé, puis la suite de tes recherches sur l'aérosol, sur le virus, sur la contagion.